Il y eut encore une petite interruption, après laquelle Paul continua son récit. « Nous sommes restés ainsi 5 longues années, à attendre un vaisseau, et sans avoir des nouvelles de notre pauvre Normand. L'année d'après son enlèvement, le chef revint voir le roi. Mon père parlait déjà bien son langage. Il lui demanda où était notre ami. Le chef répondit d'un air triste qu'il était perdu, qu'il n'avait jamais voulu leur faire une maison comme celle que nous avions faite au roi, qu'il restait triste, silencieux, qu'il ne voulait les aider en rien, ni faire usage de sa hache, qu'un beau jour enfin il avait disparu, on ne l'avait plus retrouvé, qu'il avait probablement pris un canot et qu'il était noyé ou mort de faim et de soif. Nous fûmes bien attristés de ce que nous disait le chef. Le roi lui raconta tout ce que mon père lui avait appris et lui chanta les cantiques et les psaumes qu'il savait. Le chef demanda au roi de lui donner mon père, mais le roi le refusa avec colère. Le chef se fâcha, ils commencèrent à s'injurier. Enfin le chef s'écria, « Eh bien, toi non plus, tu n'auras pas cet ami que tu refuses de me prêter. » Et il leva sa massue pour en donner un coup sur la tête de mon père. Je devinai son mouvement et, m'élançant à son bras, je le mordis jusqu'au sang. Le chef me saisit, me lança par terre avec une telle force que je perdis connaissance. Mais j'avais eu le temps de voir mon père lui fendre la tête d'un coup de sa hache. Je ne sais ce qui se passa ensuite. Mon père m'a raconté qu'il y avait eu un combat terrible entre nos sauvages et ceux du chef, qui furent tous massacrés. Mon père fit des choses admirables de courage et de force, autant de coups de hache, autant d'hommes tués. Moi, on m'avait emporté dans notre cabane. Après le combat, mon père accourut pour me soigner. Il me saigna avec la pointe de son couteau. Je revins à moi, à la grande surprise du chef. Je fus malade bien longtemps, et jamais mon père ne me quitta. Quand je m'éveillais, quand j'appelais, il était toujours là, me parlant de sa voix si douce, me soignant avec cette tendresse si dévouée. C'est à lui, après Dieu, que je dois la vie, très certainement. Je me rétablis, mais j'avais tant grandi qu'il me fut impossible de remettre ma veste et mon pantalon. Mon père me fit une espèce de blouse ou grande chemise, avec une étoffe de coton que fabriquent ces sauvages. C'était très commode et pas si chaud que mes anciens habits. Mon père s'habilla de même, gardant son uniforme pour les dimanches et fêtes. Nous marchions nu-pieds comme les sauvages. Nous avions, autour du corps, une ceinture de lianes, dans laquelle nous passions nos couteaux, et mon père sa hache. Nous avions enfoncé dans le sable, au bord de la mer, une espèce de mât, au haut duquel mon père avait attaché un drapeau, fait avec des feuilles de palmier de différentes couleurs. Le drapeau, surmonté d'un mouchoir blanc, devait indiquer au vaisseau qui pouvait passer qu'il y avait de malheureux naufragés qui attendaient leur délivrance. Un jour, heureux jour, nous entendîmes un bruit extraordinaire sur le rivage. Mon père écouta. Un coup de canon retentit à nos oreilles. Vous dire notre joie, notre bonheur, est impossible. Nous courûmes au rivage où mon père agita son drapeau. Un beau vaisseau était à 200 pas de nous. Quand on nous aperçut, on mit un canot à la mer. Une 20aine d'hommes débarquèrent. C'était un vaisseau français, l'Invincible, commandé par le capitaine Duflot. Les sauvages, attirés par le bruit, étaient accourus en foule sur le rivage. Dès que le canot fut à portée de la voix, mon père cria d'aborder. On fit force de rames, les hommes de l'équipage sautèrent à terre. Mon père se jeta dans les bras du premier homme qu'il put saisir, et je vis des larmes rouler dans ses yeux. Il se nomma et raconta, en peu de mots, son naufrage. On le traita avec le plus grand respect, en lui demandant ses ordres. Il demanda si l'on avait du temps à perdre. L'enseigne, qui commandait l'embarcation, dit qu'on avait besoin d'eau et de vivres frais. Mon père leur promit bon accueil, de l'eau, des fruits, du poisson en abondance. Les hommes restèrent à terre et dépêchèrent le canot vers le vaisseau pour prendre les ordres du capitaine. Peu d'instants après, nous vîmes le capitaine lui-même monter dans la chaloupe et venir à nous. Il descendit à terre, salua amicalement mon père, qui le prit sous le bras, et, tout en causant, nous nous dirigeâmes vers le village. Nous rencontrâmes le roi qui accourait pour voir le vaisseau merveilleux dont lui avaient déjà parlé ses sujets. Il frotta son oreille à celle du capitaine, auquel mon père expliqua que c'était un signe d'amitié. Le capitaine le lui rendit en riant. Le roi examinait attentivement les habits, les armes du capitaine et de sa suite. Les sauvages tournaient autour des hommes, couraient, gambadaient. On arriva au village. Mon père fit voir sa maison que le capitaine admira très sincèrement. C'était vraiment merveilleux que mon père eût pu faire, avec une simple hache et un couteau, tout ce qu'il avait fait. Je vous dirai plus tard tous les meubles, les ustensiles de ménage qu'il avait fabriqués, et tout ce qu'il a appris aux sauvages. Mon père demanda au capitaine s'il voulait s'embarquer avant la nuit. Le capitaine demanda 24 heures pour remplir d'eau fraîche ses tonneaux et pour faire une provision de poissons et de fruits. Mon père y consentit, à regret. Il désirait tant revoir la France, sa femme et son enfant. Pour moi, cela m'était égal. J'aimais mon père par-dessus tout. Avec lui, j'étais heureux, partout. Je n'avais que lui à aimer, dans le monde. Sophie, est-ce que tu n'aimais pas les petits sauvages qui t'aimaient tant ? Paul, je les aimais bien, mais j'avais passé ces 5 années avec la pensée et l'espérance de les quitter. Et puis, ils étaient plutôt mes esclaves que mes amis. Ils m'obéissaient comme des chiens et ne me commandaient jamais. Ils prenaient mes idées, ils ne me parlaient jamais des leurs. En un mot, ils m'ennuyaient. Et pourtant, je les ai regrettés. Leur chagrin, quand je les ai quittés, m'a fait de la peine. Tu vas voir cela tout à l'heure. Mon père alla dire au roi que le chef blanc, son frère, le capitaine, demandait de l'eau, du poisson et des fruits. Le roi parut heureux de faire plaisir à mon père en donnant à son ami ce qu'il demandait. Les sauvages se mirent immédiatement les uns à cueillir des fruits du pays. Il y en avait d'excellents et inconnus en Europe. D'autres à pêcher des poissons pour les saler et les conserver. On servit un repas auquel tout le monde prit part, et à la fin duquel mon père annonça au roi notre départ pour le lendemain. À cette nouvelle, le roi parut consterné. Il éclata en sanglots, se prosterna devant mon père, le supplia de rester. Les petits sauvages poussèrent des cris lamentables. Quand les autres sauvages surent la cause de ces cris, ils se mirent aussi à hurler, à crier. De tous côtés, on ne voyait que des gens prosternés, se traînant à plat ventre, jusqu'aux pieds de mon père, qu'ils baisaient et arrosaient de larmes. Mon père fut touché et peiné de ce grand chagrin. Il leur promit qu'il reviendrait un jour, qu'il leur apporterait des haches, des couteaux, et d'autres instruments utiles et commodes. Qu'en attendant, il donnerait au roi sa propre hache et son couteau, qu'il demanderait à son frère, le chef blanc, quelques autres armes et outils qui seraient distribués au moment du départ. Il réussit enfin à calmer un peu leur douleur. Le capitaine proposa à mon père de nous emmener coucher à bord, de crainte que les sauvages ne nous témoignassent leur tendresse en nous enlevant la nuit et nous emmenant au milieu des terres. Mon père répondit qu'il allait précisément le lui demander. Quand les sauvages nous virent marcher vers la mer, ils poussèrent des hurlements de douleur. Le roi se roula aux pieds de mon père et le supplia, dans les termes les plus touchants, de ne pas l'abandonner. « Ô père, que ferai-je sans toi ? » disait-il. « Qui m'apprendra à prier ton Dieu, à être juste, à trouver le chemin de ton ciel ? Et si je prends ce chemin, je ne te retrouverai donc jamais. Ô père, reste avec tes frères, tes enfants, tes esclaves. Oui, nous sommes tous tes esclaves. Prends nos femmes, nos enfants pour te servir. Mène-nous où tu voudras. Mais ne nous quitte pas, ne nous laisse pas mourir de tristesse loin de toi. » Après ce discours, les petits sauvages m'en dirent autant, m'offrant d'être mes esclaves, de me faire régner à leur place après la mort de leur père, le roi. Mon père et moi, nous fûmes attendris, mais nous restâmes inexorables. Mon père promit de revenir le lendemain et nous montâmes dans la chaloupe. Le beau visage de mon père devint radieux quand il se vit sur mer, sur une embarcation française, entouré de Français. Il ne parlait pas. Je le regardais et moi qui le connais si bien, je vis qu'il priait. Moi aussi, je remerciais Dieu, non de mon bonheur que je ne comprenais pas, mais du sien. La joie remplit mon cœur, et je fus ingrat pour les sauvages, par tendresse pour mon père. Mon bon Paul, interrompit M. de Rosbourg en lui serrant vivement la main, je ne saurais te dire combien ta tendresse me touche. Mais je dois te rappeler à l'ordre en te disant que tu nous as promis toute la vérité. Or, j'ai vainement et patiemment attendu le récit de deux événements que tu n'as certainement pas oubliés, puisqu'il s'agissait de ma vie et que je veux l'entendre raconter. Oh, mon père, reprit Paul en rougissant, c'est si peu de choses, cela ne vaut pas la peine d'être raconté. Monsieur de Rosbourg, ah, tu appelles peu de choses les deux plus grands dangers que j'ai courus. Marguerite, quoi donc? Quel danger? Paul, raconte-nous. Paul, c'est d'abord qu'un jour mon père a été piqué par un serpent et que les sauvages l'ont guéri, et puis que mon pauvre père a fait une longue maladie et que les sauvages l'ont encore guéri. Monsieur de Rosbourg, ah ça, mon garçon, tu te moques de nous raconter en deux mots de pareils événements. Puisque tu parles si mal, je prends la parole. Écoutez. Paul sourit et croise ses bras d'un air résigné. Un jour, donc, nous étions entrés dans la forêt. Il faisait chaud. Pour ménager mes bottes, plus qu'à moitié usées, j'étais nu-pied. Paul portait une espèce de chausson de feuilles de palmier. Paul. Que mon père m'avait fait lui-même. Monsieur de Rosbourg. Eh oui, que je lui avais fait. Voyez le beau mérite. Enfin, j'étais nu-pied. Je marche sur un serpent qui me pique. Je le dis à Paul et je cours vers la mer pour baigner la piqûre. À moitié chemin, la tête me tourne, les forces me manquent, je tombe, je vois ma jambe noire et enflée, je me sens mourir. Paul avait entendu dire aux sauvages que sucer une piqûre de serpent était un remède certain, mais que celui qui suçait s'exposait à mourir lui-même. Mon brave petit Paul, il avait 10 ans alors, se jette à terre près de moi et suce ma piqûre. À mesure qu'il suçait le venin, je sentais la vie revenir en moi. Ma tête se dégageait, les douleurs à la jambe disparaissaient. Enfin, je repris tout à fait connaissance. Je me soulevai, ma première pensée avait été pour Paul, que je ne voyais pas près de moi. Jugez de mon effroi lorsque je vis mon Paul, mon fils, se dévouant à la mort pour me sauver et suçant avec force cette affreuse piqûre. Je poussai un cri, je le saisis dans mes bras. Il se débattit, me supplia de le laisser achever. « mon père » criait-il, « il reste peut-être encore du venin. Laissez-moi continuer, laissez-moi vous sauver. Mon père, laissez-moi » Il se débattit si bien qu'il m'échappa. J'eus un nouvel éblouissement dont il profita pour sucer ce qui restait de venin. Quand je repris de nouveau connaissance, je pus marcher jusqu'à la mer, appuyé sur l'épaule de mon cher petit sauveur. Pendant que je baignais ma jambe presque entièrement désenflée, Paul courut prévenir les sauvages, qui arrivèrent en toute hâte vers le roi. Ils m'emportèrent, me mirent sur la piqûre je ne sais quelles herbes. En 3 jours, je fus guéri. Mais j'avais eu des inquiétudes terribles pour mon pauvre Paul, dont la bouche et la langue avaient enflé énormément. On lui fit mâcher des herbes, manger un certain coquillage, et quelques heures après, l'enflure et la chaleur avaient disparu. Voilà un défait que M. Paul s'était permis d'oublier. L'autre, maintenant. Un soir, je me sentis mal à l'aise. Le chagrin me tuait. Ma femme et mon enfant que je ne devais peut-être jamais revoir. Mes inquiétudes sur l'avenir de ce cher Paul remplissaient mon cœur d'une douleur d'autant plus amère que je la dissimulais à ce pauvre enfant si plein de tendresse pour moi, si désolé de mes moindres tristesses, si heureux de mes moindres gaietés. Le jour, je dissimulais de mon mieux mon chagrin, mais la nuit, pendant le sommeil de cet enfant qui m'était devenu si cher, je m'y laissais aller, et j'avoue, à la honte de mon courage de chrétien, que je passais les nuits à pleurer et à prier. Depuis 4 ans que je menais cette vie de misère, ma santé avait résisté. Mais, au bout de ce temps, la force m'abandonna, la fièvre me prit, et je tombai malade de ce que nous appelons, en France, une fièvre typhoïde. Pendant 72 jours que dura ma maladie, mon Paul ne me quitta pas un instant. La nuit et le jour, je le trouvais au chevet de mon grabat, épiant mon réveil, devinant mes désirs. Seul il a veillé à tous mes besoins, il m'a soigné avec ce que je puis nommer le génie de l'amour. Il m'avait entendu parler du bien que pouvait faire un vésicatoire ou tout autre moyen d'irriter la peau. Les sauvages avaient une plante qui faisait venir sur la peau des rougeurs et même des cloches quand on l'y laissait longtemps séjourner. Cet enfant de 10 ans, me voyant la tête prise, me mit de cette plante sous les pieds, puis au mollet, puis d'un côté, puis d'un autre, jusqu'à ce que ma tête fût tout à fait dégagée. Pendant 2 mois, il continua l'application de cette plante avec la sagacité d'un médecin, l'interrompant quand j'allais mieux, la remettant quand j'allais plus mal. Il pansait mes plaies avec du gras de poisson frais. Il me changeait de grabat en me préparant à côté du mien une nouvelle couche de feuilles fraîches. Il me coulait dessus petit à petit, d'abord par la tête et les épaules, puis par les jambes. J'étais si faible que je ne pouvais m'aider en rien. Les sauvages étaient si maladroits et si brusques que leur aide me faisait gémir malgré moi. Paul ne voulut plus qu'ils me touchassent. Il me donnait à boire du lait de coco ou de l'eau fraîche avec quelques gouttes de citron. Tout le temps de ma longue maladie, ma cabane fut propre et rangée, comme si je venais d'y entrer. Aussi, quand je fus en état de comprendre et de voir, avec quelle douleur je regardais le visage hâve, pâle, amaigri, de mon pauvre enfant, combien je me reprochais de m'être laissé aller à un chagrin coupable et si contraire à la résignation d'un chrétien, comme je fus touché et reconnaissant du dévouement de cet enfant, et comme je m'attachais à lui et à la vie, à cause de lui. Il avait passé les heures, les jours, les semaines à me soigner et à prier pour moi, tandis que, près de lui, je mourais de chagrin d'être loin de vous, ma femme et ma Marguerite. Je demandais pardon à Dieu, je demandais du courage et une résignation plus chrétienne, et je guéris. Voyez, mes amis, si j'ai raison d'aimer mon Paul comme j'aime ma Marguerite, il m'a 2 fois sauvé du désespoir, de la mort du cœur. Et c'est toi, mon fils, qui me remercie, c'est toi qui prétends me devoir de la reconnaissance. Ah, Paul, tu te souviens de mes bienfaits, et tu oublies trop les tiens. » En achevant ces mots, M. de Rosbourg se leva et réunit dans un seul et long embrassement son fils Paul et sa fille Marguerite. Tout le monde pleurait. Madame de Rosbourg, à son tour, saisit Paul dans ses bras et, l'embrassant sang et sang froid, elle lui dit « Et tu me demandais si tu pouvais m'appeler ta mère. Oui, je suis ta mère reconnaissante. Sois et reste toujours mon fils, comme tu es déjà celui de mon mari. » Quand l'émotion générale fut calmée, que Paul eût été embrassé par tous, les parents s'aperçurent qu'il était bien tard, que l'heure du coucher était passée depuis longtemps. Chacun se retira, et jamais les prières et les actions de grâce ne furent plus ferventes que ce soir-là.